Voilà, ceux qui nous ont rejoints, bonjour. Pour les autres, c'est la suite de ce matin. Nous allons donc rappeler le nom des 76, parce qu'il y en a eu 76, il y en a chaque année un peu plus, malheureusement. Nom des décédés, de personnes décédées dans la rue en 2021. Alors voilà ce qui va se passer pendant qu'on cite et qu'on rend hommage en lisant les noms de ces personnes. Ceux qui le souhaitent parmi vous peuvent s'approcher, s'emparer d'une coccinelle. Chaque coccinelle rend hommage à une de ces personnes décédées. Et puis vous allez accrocher la coccinelle à l'endroit de votre choix, dans l'arbre qui a été planté il y a 12 ans en hommage aux morts de la rue. Vous pouvez également déposer une fleur dans l'arbre ou au pied de l'arbre. Chaque coccinelle porte le nom d'une de ces personnes, mais vous n'êtes pas obligé de spécialement vous intéresser à l'une d'elles. Vous prenez une coccinelle, on les accroche pour leur rendre hommage. Voilà, je ne sais pas qui veut commencer. Toussaint, alias Rémi, 63 ans. Alexandre, 23 ans. Thomas, 38 ans. Et moi, 48 ans. J'avais fait quelque chose, on ne savait pas s'il y avait, s'il y avait quelque chose dont je voulais faire. Yacine, 47 ans. Sophie, 50 ans. Pascal, 39 ans. Un petit Yannick, 53 ans. L'amour, c'est comme le beurre, ça rentre. 65 ans. Jean-Marc, 50 ans. Alain, 59 ans. Ahmed, 44 ans. Philippe, 69 ans. Pascal, 49 ans. Patrick, 49 ans. Amedeo, 48 ans. Eric, 63 ans. Germano, 46 ans. Adam, 58 ans. Cédric, 33 ans. Daniel, alias Petit Daniel, 42 ans. Pascal, 60 ans. Jules, 70 ans. Mohamed, 650. Alexandrou, 54 ans. Guy, 55 ans. Jean-Pierre, 66 ans. Poulombe, 56 ans. Muriel, 27 ans. Henrik, 52 ans. Abdallah, 43 ans. Stéphane, 44 ans. Ayoub, 69 ans. Laetitia, 48 ans. Metin, alias James, 54 ans. Didier, 48 ans. Jean-Jacques, 80 ans. Osman, 52 ans. Rudy, 57 ans. Tariq, 41 ans. Lessec, 61 ans. Vanko, 59 ans. Omar, 48 ans. Mohamed, 22 ans. Patrick, alias Pat le Gitan, 62 ans. Yves, 55 ans. Farid, 60 ans. Florian, 34 ans. Frédéric, 52 ans. Robert, 49 ans. Virginie, 39 ans. Eugeniusz, 63 ans. Laz, alias Louisa, 53 ans. Didi, 40 ans. Inconnu, alias Axel, 65 ans. Fatima, 64 ans. Geno, 64 ans. Fabrizio, 44 ans. Georges, 35 ans. Virgil, alias Gelo, 62 ans. Nadège, 38 ans. Hussein, alias SP, 33 ans. Francis, alias Franck, 34 ans. Marc, 54 ans. Michel, 67 ans. Nicolas, 56 ans. Slavomir, 47 ans. Ahmed, 37 ans. Serge, alias Gunti, 55 ans. Alain, alias Le Nomade, 75 ans. Valerio, alias Mario, 58 ans. Mohamed, 26 ans. Florentina, 46 ans. J'ai gauche, 37 ans. Yaroslav alias Mowa, 45 ans. Yon, 40 ans.